Audiomatique. La formation Lujan nous proposait sa pièce ex-jazz en introduction à la transmission 212 d'Audiomatique. Cette pièce paraît sur l'album Photographia. Bienvenue à Audiomatique, animé par les électronistes. Pendant la prochaine heure, vous serez conviés à découvrir nos propositions musicales qui touchent de près ou de loin au genre électronique. Loin de nous d'être puristes dans notre approche, au contraire, nous recherchons les amalgames, les mutations, les métissages. Tant et aussi longtemps qu'une sonorité synthétique se fait entendre, nous sommes enclins à vous partager une partie de ce qui éveille notre sensibilité auditive. Sing it, put your money. godforsaken precipice. Audiomatic, nous entendions le projet canadien Lights et sa chanson Heavy Rope, tirée de son deuxième album Siberia. Tout juste avant, vous avez peut-être reconnu la chanson Lucky, interprétée à l'origine par le groupe anglais Radiohead, mais ici reprise par My Brightest Diamond. Sa version est parue sur la compilation numérique OK 10, A Tribute to OK Computer, qui est une initiative du site Stereo Gum pour célébrer le 10e anniversaire de l'album OK Computer de Radiohead, qui a été lancé en 1997. Et pour débuter cette séquence, la formation Arcade Fire nous interprétait la chanson Put Your Money on Me de leur plus récent album Everything Now. Il y a quelques semaines, la formation O'Taker livrait une œuvre massive, soit les NTS Sessions d'une durée de 8 heures séparées en 4 parties de 2 heures chacune. Au cours des 2 dernières semaines, les électronistes vous ont présenté respectivement une pièce de chacune des 2 premières sessions et cette perspective de découverte se poursuit cette semaine avec la pièce Claustro Casual tirée de la NTS Session 3. Thank you. à Audiomatique, nous entendions Otaker et la pièce Claustro Casual, parue sur la NTS Session 3, qui est en fait la troisième partie des quatre sessions de 2 heures chacune qu'Otaker a enregistrées lors de prestations en direct à la station numérique NTS. Audiomatique se poursuit maintenant avec une nouveauté de Thom Yorke. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic, au projet espagnol Four Times Insane et la pièce Kira's Revolt tirée du mini-album Broken Bones. Et pour amorcer ce segment, Thom Yorke, qui d'autre, nous interprétait sa pièce Volk, extraite de la bande originale qu'il a composée pour le film Suspiria du cinéaste italien Luca Guadagnino. Rappelons que ce film est en fait un remake du film d'horreur culte Suspiria de Dario Argento, sorti en 1977. La transmission 212 d'Audiomatic s'éteindra sur la pièce Wasteland de la formation Synesthesia, dirigée par les artistes Rhys Fulber et Bill Leeb. Synesthesia se veut la continuité de ce qu'était leur projet Delirium avant la publication de l'album bien connu Karma, c'est-à-dire des compositions instrumentales plus sombres, mélancoliques et ambiantes avec des éléments rythmiques et mélodiques influencés par les musiques du monde. Nous serons de retour mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 213 d'Audiomatic en direct sur les ondes de C'est fou. Malgré le plaisir du direct, nous vous suggérons fortement de jeter une oreille attentive à nos émissions passées qui sont disponibles à l'écoute sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Synesthesia et la pièce Wasteland tirée du troisième album Ephemeral. C'était Audiomatic avec les électronistes.